إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc on est aujourd'hui dans le cours numéro 24 dans l'explication du livre de Fadl al-Islam du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec le sharh du Cheikh Saleh al-Fawzan. Donc aujourd'hui c'est le dernier cours, on termine le livre inshallah. Et on va commencer donc par lire le hadith. Plutôt c'est pas un hadith, c'est une athar, une parole d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Hudhayfa ibn al-Yaman, un des compagnons, un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit: وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. Donc cette parole, c'est une parole d'un compagnon, comme on l'a dit, Hudhayfah ibn al-Yaman. Il dit que toute adoration par laquelle les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala, alors n'adorez pas Allah subhanahu wa ta'ala par celle-ci. C'est-à-dire que, en fait, c'est une forme, c'est une façon d'interdire les innovations. Hudhayfah, il est en train d'interdire les innovations. C'est comme s'il disait, si vous êtes en train de faire une adoration que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas fait, alors ne la faites pas. Il dit, فَإِنَّ الْأَوَّلْ لَمْ يَدَعْ لِلْآخِرِ مَقَالًا. C'est-à-dire, ceux qui ont précédé, ils n'ont rien laissé à ceux qui viennent par la suite. Hein? Les premiers n'ont rien laissé aux derniers. En voulant dire, ils n'ont rien laissé de ce qui doit être expliqué et de ce qui doit être clarifié dans les questions d'adoration, dans les questions de religion. Donc craignez Allah, ô vous, assemblée de savants ou assemblée de récitateurs, parce qu'à l'époque, comme le cheikh il va l'expliquer, Al-Qurra, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Qurra, quand on dit Al-Qurra, c'est-à-dire ceux qui récitent ou ceux qui lisent, on désigne par le terme Al-Qurra les savants, ceux qui connaissent le Coran. وَخُذُوا طَرِيقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Et prenez le chemin ou la voie de ceux qui étaient avant vous. Donc Hudhayfa, il s'adresse, radiyallahu anhu, probablement aux tabi'in. Il s'adresse probablement aux tabi'in, c'est-à-dire aux élèves des sahaba, et il leur donne le conseil que s'ils font une adoration, qu'ils prennent cette adoration-là à condition que c'est quelque chose que les sahaba ont fait. Si les sahaba ne l'ont pas fait, alors ne le faites pas vous aussi. Et il leur donne ce conseil-là. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique donc ce hadith. Il dit: Al-aslu fi sunnati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa man. Pardon? Al-aslu sunnatu Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa man hum a'rafu al-nasi bi sunnati Rasul sallallahu alayhi wa sallam, hum sahabatuhu. هم الذين يبينون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويروونها ويعملون بها، فالأخذ بما يعمل به الصحابة أخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهم تلاميذه تعلموا منه وهم يحبون سنته عليه الصلاة والسلام أو عليه السلام. والله جل وعلا أمر بذلك بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني بإتقان من غير إفراط ولا تفريط، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. الصحابة رضي الله عنهم إجماعهم حجة، فإذا عملوا عملا فهو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما من جاء بعدهم فإنه يخطئ ويصيب. Donc le cheikh il dit à la base c'est la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça la référence, c'est ça la base. Et qui connaît mieux la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui parmi les hommes a la plus grande connaissance et le plus grand savoir de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam? Ce sont ses compagnons, ce sont les sahaba. C'est eux qui expliquent aux gens, hein, ce sont eux qui expliquent aux gens la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et qui la transmettent et qui l'appliquent. Donc celui qui prend, qui prend sa religion et qui applique sa religion selon ce que les sahaba ont pratiqué, alors c'est équivalent ou c'est équivalent au fait de prendre la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Parce que de prendre notre religion des sahaba, c'est de prendre notre religion des gens qui sont les plus proches du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont les élèves du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont appris de nul autre que de lui. Ils ont appris de nul autre que de lui. Et ils aiment la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de les suivre et de prendre leur exemple. Dans surat At-Tawbah, le verset 5. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Si quelqu'un vous demande la question, par exemple, si quelqu'un vous pose la question, quelle est la preuve qu'on est obligé et qu'on est ordonné de suivre l'exemple des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que vous allez leur donner comme preuve? Quel exemple vous pouvez leur donner? Quel verset dans le Coran vous pouvez leur donner comme preuve pour ça? Eh bien, il y a par exemple ce verset-là. Le verset 5 dans Surat At-Tawbah. Hein? Et ce verset-là, il prouve qu'on doit suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maïga, qu'est-ce que tu peux retirer dans ce verset-là comme preuve du fait qu'on est obligé de suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Barakallahu fik. Donc c'est ça. Donc le cheikh et le frère Mega, il nous dit, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait l'éloge des muhajirin, des ansar, c'est-à-dire des sahaba. Et il a relié à eux dans cet éloge ceux qui les ont suivis bi ihsan, c'est-à-dire de la meilleure façon, bi itqan. Hein? Ensuite il dit: min ghayr ifratin wa la tafrit, c'est-à-dire ils les ont suivis de la meilleure façon. Et itqan, ça veut dire quoi? C'est quand tu fais quelque chose avec maîtrise, avec perfection, avec, hein, avec perfectionnement. Donc tu essaies de les suivre mais avec ihsan, c'est-à-dire il y en a de la meilleure manière que tu peux, et sans tomber dans l'extrémisme et sans tomber dans le laxisme, sans exagérer, tu fais trop, tu veux dépasser la limite d'Allah, et sans tomber dans le laxisme que tu commences à négliger des choses qui sont nécessaires et obligatoires, tu les négliges. Et il dit radiyallahu anhum, ensuite il cite un autre verset à la suite: radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Donc le cheikh il dit les sahaba, hein, ça veut dire quoi? C'est la suite du verset: Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits d'Allah. Est-ce qu'il y a quelqu'un en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en dehors des messagers, est-ce qu'il y a des gens ou des hommes au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet de façon certaine qu'il est satisfait d'eux, autre que les Sahaba? Non. Dans le Coran, quand on voit la mention, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, quand on voit la mention, radiyallahu anhum, c'est toujours les Sahaba. Et ici dans le verset, il dit, walladhina taba'uhum bi ihsan, et ceux qui les ont suivis dans le bien. Ça veut dire que les Sahaba sont, Allah est satisfait d'eux, et ils ont l'agrément d'Allah, et également ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, eux aussi ils rentrent dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf qu'on ne peut pas les désigner de la même aussi facilement que la manière qu'on peut désigner les Sahaba, parce que les Sahaba c'est clair. Le Cheikh il dit ensuite, et il mentionne à la suite du verset, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui, et il a préparé pour eux des paradis ou des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Et voilà le grand succès, l'énorme succès ou le grand succès. Le Cheikh il dit, As-Sahaba radiyallahu anhum ijma'uhum hujja. Dans la charia, on sait qu'il y a plusieurs références, il y a plusieurs sources comme étant acceptées comme étant des preuves ou des références comme étant des preuves dans la charia. La première référence ou la première source, c'est le Coran. La deuxième, c'est la sunna. Et la troisième, c'est quoi? Eh non, ijma'u sahaba. Donc ça, c'est la troisième référence dans la charia. Si quelqu'un te ramène avec une parole et il te dit que les sahaba étaient tous d'accord sur quelque chose, c'est considéré comme une preuve dans la charia. C'est considéré comme une preuve dans la charia. Donc quelqu'un ne peut pas rejeter ça. Hein? La première, c'est le Coran. Le deuxième, c'est la sunna. Et le troisième, c'est en arabe, al-ijma'. Et al-ijma', en français, on traduit ça souvent par le terme le consensus. Le consensus des sahaba. D'accord? Donc le Cheikh, il dit, as-sahaba radiyallahu anhum ijma'uhum hujjah. Fa'idha amilu amalan, fa'huwa min sunnati rasul sallallahu alayhi wa sallam. أما من جاء بعدهم فإنه يخطي ويصيب. Donc si les sahaba ont tous appliqué quelque chose, ont tous agi selon quelque chose, donc ça fait partie de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois s'ils ont divergé, toutefois ceux qui sont venus après eux, alors on trouve parmi eux celui qui peut avoir la bonne réponse, ou qui peut avoir raison, ou qui peut se tromper également. Le Cheikh il dit ensuite la suite de la parole de Hudhayfa, فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. Donc le Cheikh il explique, il dit, يا معشر القراء يريد العلماء لأنه في ذلك الوقت القراء هم العلماء وليس المراد مجرد من يحفظون القرآن بالتجويد. لا, المراد بالقراء في هذا الزمان الأول العلماء لأنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا معانيهن ويعملوا بهن, لم يكونوا يحفظون فقط. أما القراء الذين في آخر الزمان فأولئك ليسوا فقهاء, مجرد قراء يقرؤون القرآن ولكن لا يتفقهونه ويقرؤون في الأحاديث ولا يتفقهون فيها أو يفسرونها بفهمهم القاصر أو بأهوائهم الضالة. Donc le Cheikh explique la suite de la parole de Hudhayfa. Il dit que ensuite Hudhayfa a dit, oh vous l'assemblée de récitateurs, craignez Allah. En réalité il dit ici, oh vous assemblée de savants, parmi les gens qui sont assemblés, prenez la voix de ceux qui étaient là avant vous. Oh vous qui récitez le Coran, qui êtes des qurra. Ici le Cheikh dit, il veut dire ici ceux qui sont des ulama. Parce que à cette époque-là, ceux qui lisent le Coran sont les savants. On ne veut pas dire seulement ceux qui mémorisent le Coran et qui le récitent avec le tajwid, les règles de la récitation du Coran. Mais on parle ici à cette époque-là des ulama, parce que à l'époque les gens ils apprenaient pas le Coran comme on l'apprend aujourd'hui. Aujourd'hui on mémorise le Coran, on peut prendre, comme je disais au dernier cours ou à l'avant-dernier cours, 3 ans, il y a des écoles, en 3 ans ils t'apprennent le Coran au complet, tu le mémorises du début jusqu'à la fin. Tandis que les sahaba et les tabi'in, wa alaykoum salam wa rahmatullah, ils ne dépassaient pas 10 versets avant d'avoir appris tout ce qu'il y avait dedans comme science, comme signification et comme application. Donc c'était pas comme aujourd'hui. Et donc quand quelqu'un terminait la mémorisation du Coran en entier, ils n'avaient pas seulement mémorisé le Coran, mais ils étaient devenus des savants de l'islam. D'accord ? Donc, en ce qui concerne les gens qui récitent le Coran dans les temps derniers, comme aujourd'hui, ceux-là ne sont pas des savants, ne sont pas des fuqaha. Ils ne font que savoir comment réciter correctement le Coran. Mais ils ne le comprennent pas. Hein, et ils lisent les hadiths, mais ils ne les comprennent pas. Ou bien ils vont les expliquer, mais selon leur compréhension qui est limitée. Et ils vont également parfois les interpréter ou les expliquer selon leur passion égarée. Donc ça, ça y est pour la parole de Hudhayfa. Maintenant, le cheikh ensuite, il passe au dernier hadith qui est cité, au dernier athar, la dernière parole qui est expliqué dans ce livre, et c'est la parole de l'imam cité de l'imam Ad-Darimi dans son Sunan. C'est une histoire qui concerne certains d'entre les sahaba et en particulier Abdullah ibn Mas'ud. Donc on va lire ensemble ce hadith. Cheikh il dit qala Ad-Darimi akhbarani al-Hakam ibn al-Mubarak anba'ana Amr ibn Yahya قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج. Donc, juste on va traduire petit par partie pour pas lire trop longtemps. Donc le cheikh il rapporte ce hadith. Il dit Amr ibn Yahya, il dit j'ai entendu mon père mentionner cette histoire de son père. Il dit nous étions assis devant la porte de Abdullah ibn Mas'ud. À l'époque Abdullah ibn Mas'ud, il était dans la ville de Koufa. OK? Et dans cette région, c'était Abu Musa al-Ash'ari qui était le dirigeant. C'est-à-dire, c'était lui qui était le responsable de la ville. Hein? C'était à l'époque de, si je ne me trompe pas, c'était à l'époque de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Il avait envoyé Abu Musa al-Ash'ari comme amir dans cette ville, la ville de Koufa. Et Abdullah ibn Mas'ud, c'était lui qui était là comme l'enseignant. Il était là pour enseigner aux gens le hadith et l'islam. Donc, il dit, nous étions assis devant la porte de Abdullah ibn Mas'ud avant la prière du matin. Et on voit ici dans cet exemple-là comment les gens à l'époque, ils avaient l'amour de la science et ils restaient assis devant la porte des savants pour attendre que les savants sortent pour leur poser des questions ou leur demander des questions sur des problèmes qu'ils avaient et pour avoir des réponses de la part des savants. Et encore aujourd'hui, si vous allez dans les pays musulmans, vous allez voir que beaucoup de savants, c'est la même chose encore aujourd'hui. Masha'Allah. Ben, tu vois? Donc, encore que c'est comme ça maintenant. Et même, je me rappelle quand j'étais en Arabie Saoudite, c'était comme ça. Là. Il y a des élèves, des fois, quand ils ont une question, ils veulent avoir la réponse, ils savent qu'ils pourront aller à côté de la maison du cheikh, parce que le cheikh, il va sortir pour la prière. C'est certain. Donc, ils savent que c'est un bon moment pour aller pour lui poser des questions. Donc, ils l'attendent devant la porte. Et quand le cheikh il sort de chez lui, il marche avec lui jusqu'à la mosquée. Donc, entre la maison et la mosquée, ils ont du temps pour poser quelques questions et avoir des clarifications. Donc, ils marchent avec lui jusqu'à la mosquée et ils font la prière. Après la prière, ils retournent accompagner le cheikh jusqu'à sa maison et en chemin, il lui pose d'autres questions. Donc ça a toujours été comme ça et ça, c'est encore comme ça aujourd'hui. Je me souviens quand j'étais dernièrement en Arabie Saoudite, qu'on est allé voir le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad et justement, on en a profité et il m'est arrivé une petite anecdote à ce sujet-là. Quand je suis parti là-bas et après la prière, on est allé dans la mosquée du cheikh et après la prière, le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, il est sorti avec son fils Abdul Razak Al-Abbad. Et les deux, ils étaient ensemble, donc ils s'en allaient vers la maison. Il y a plusieurs élèves qui se réunissent autour pour poser des questions. Et juste au moment que je suis arrivé, quand j'ai vu le cheikh Abdul Razak, le fils du cheikh Abdul Muhsin, j'ai pensé, j'ai dit peut-être que, étant donné que le cheikh Abdul Muhsin est très occupé avec beaucoup de questions, beaucoup d'élèves, je peux demander la question à son fils. Peut-être qu'il va me répondre. Parce que lui, peut-être qu'il est moins occupé. Donc je suis parti le voir, je lui ai dit, est-ce que je peux vous poser une question. Et il m'a dit non. Alors, je suis allé voir le frère Ammar de Médine, justement, qui était là-bas avec moi. Et je lui ai dit, Akhi, je suis allé voir le cheikh et je lui ai demandé pour poser une question. Il m'a dit non. Il me dit, Akhi, tu savais pas, c'est bien connu que quand le cheikh il est avec son père, il répond jamais à aucune question. Donc si tu veux une réponse, quand son père est là, tu dois aller demander à son père, pas à lui. Hein? Si son père est pas là, il va te répondre. Mais si son père est là, il va jamais répondre à une question dans l'ilm. Quand son père il est là, par respect pour son père. Et donc, effectivement, mashallah, je suis parti voir son père par la suite et je lui posais la question. Et son père, il m'a répondu, alhamdulillah. La question, je lui ai posé une question par rapport à certaines paroles. De certains prêcheurs en Europe là, qu'est-ce qu'ils racontaient, et puis je lui ai posé la question et puis il m'a répondu que cette parole là c'était pas une parole correcte, la personne qui disait ça c'était une parole mauvaise et ainsi de suite. En tout cas, je veux pas en dire plus. Quand les choses vont être faites, inshallah, vous allez inshallah bismillah, si Allah nous donne la vie plus longue, inshallah, on espère qu'on aura le temps de compléter tout ça. Mais c'est juste pour donner l'exemple par rapport au fait que ça fait partie de l'exemple des salafs de faire ça, de s'asseoir devant la maison des ulama et d'attendre leur sortie pour leur poser des questions. Donc, on voit ici, on dit que, donc ils étaient assis avant la prière de l'aube. Ils en sont sortis, yani avec lui, non, c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il dit, on était assis avant la prière de l'aube, et lorsqu'il sortait, on marchait avec lui jusqu'à la mosquée. Donc, il explique qu'est-ce que les gens avaient l'habitude de faire. Et il dit, Abu Musa al-Ash'ari nous est venu. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Abu Musa al-Ash'ari, c'était lui qui était l'amir de la région à ce moment-là. Et il vient et dit, est-ce que Abu Abdurrahman, c'est qui? C'est Abdullah ibn Mas'ud. Sa kunya, c'est Abu Abdurrahman. Donc il dit, est-ce que Abu Abdurrahman, il est sorti encore? Il est déjà, en voulant dire, est-ce qu'il est déjà sorti? Il a dit, Qulna la. Il a dit non. Il est l'amir. S'il voulait, il pouvait juste aller frapper à la porte et rentrer. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis avec les autres devant la porte, en attendant qu'ils sortent. Hein? On voit le respect. Il ne veut pas déranger Abdullah ibn Mas'ud. Donc il dit, il s'est assis avec nous jusqu'à ce qu'il sorte. Il dit, فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِنِّي رَأَيْتُ آنِفًا فِي الْمَسْجِدِ أَمْرًا أَنْكَرْتُهُ وَلَمْ أَرَى وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا خَيْرًا قَالَ فَمَا هُوَ قَالَ إِنْ عِشْتَ فَسَتَرَاهُ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَوْمًا حِلَقًا جُلُوسًا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا 100 فيكبرون 100 فيقول هللوا 100 فيهللون 100 فيقول سبحوا 100 فيسبحون 100 قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك أو انتظار رأيك. Donc, il dit, lorsqu'il est sorti, Abu Abdurrahman, lorsqu'il est sorti, tout le monde s'est levé vers lui. Et Abu Musa al-Ash'ari, il a dit, oh Abu Abdurrahman, j'ai vu quelque chose plutôt à la mosquée, j'ai vu quelque chose, amran ankartuhu, j'ai vu quelque chose que j'ai condamné en moi-même. Et je n'ai rien vu excepté quelque chose de bien en apparence. Donc, alhamdulillah. Alors, Abu Abdurrahman lui demande, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as vu? Il dit, si tu vis, tu verras. Il dit, j'ai vu dans la mosquée des gens réunis en cercle, assis dans la mosquée en cercle. Ils attendent la prière. Et dans chaque cercle, il y a un homme au milieu, ou bien il y a un homme dans chaque cercle avec des pierres dans ses mains. Et il dit, Kabbiru mi'a, donc dites Allahu Akbar 100 fois. Et les gens disent Allahu Akbar 100 fois. Et lui, il compte avec les pierres. Et il dit après, Hallilu mi'a, c'est-à-dire dites La ilaha illallah 100 fois. Et les gens disent après lui, La ilaha illallah 100 fois. Après, il leur dit, Sabbihu mi'a, dites Subhanallah 100 fois. Et les gens répètent, Subhanallah 100 fois. Alors, Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud, il dit, فَمَاذَا قُلْتَ لَهُمْ, qu'est-ce que tu leur as dit quand tu as vu ça? قَالْ مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئًا, je ne leur ai rien dit. J'attendais ton opinion et j'attendais ton ordre. Hein? Parce qu'il retourne au ulama pour demander à propos de quelque chose quand il ne sait pas, quand il n'est pas certain. Il veut avoir l'opinion des ulama. Nous, aujourd'hui, des fois, malheureusement, on juge rapidement et on ne retourne pas au ulama. Alors, Abu Musa al-Ash'ari, c'est un des plus savants parmi les sahaba. Malgré ça, il ne veut pas faire quelque chose tout de suite de lui-même. Il veut avoir l'opinion d'un autre sahabi qui est plus savant que lui. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, قال, hein? Qu'est-ce que tu leur as dit? Je ne leur ai rien dit, j'attendais ton opinion, j'attendais ton commandement. قال, أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. Donc ensuite il a dit, Abdullah ibn Mas'ud, il leur dit, pourquoi ne leur avais-tu pas ordonné de calculer ou de compter leurs péchés? Et pourquoi tu ne leur as pas garanti en même temps, ou en leur garantissant que rien de leurs bonnes œuvres ne sera perdu? C'est-à-dire, au lieu de faire ces choses, cette innovation de calculer les tasbih et de faire des cercles de cette manière-là, quelque chose que les sahaba n'ont jamais fait, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait ça. Donc pourquoi, au lieu de faire ça, vous n'avez pas dit aux gens de compter leurs péchés? Parce que leurs péchés, hein, ils en ont beaucoup. On en a tous beaucoup. Hein. Et les bonnes œuvres, pourquoi tu les calcules de cette manière? Tu as peur que Allah subhanahu wa ta'ala les écrive pas pour toi, si tu les mérites? Donc, calculez vos péchés au lieu de calculer vos bonnes œuvres. Comme ça, au moins, vous n'allez pas accumuler des péchés en faisant des innovations. Hein. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Il leur a dit, lorsqu'il est arrivé près d'un de ces cercles, il s'est tenu devant eux, parce que ils, là, là, il leur a dit ça. Après, ils ont marché jusqu'à ce qu'ils arrivent à la mosquée. Arrivé à la mosquée, il a vu les gens en cercle. Il est allé vers un de ces cercles et il s'est mis debout devant eux. Et puis, il leur a dit, qu'est-ce que je suis en train de vous voir faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, ils ont répondu, oh Abba Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud, on prend des pierres et on calcule avec les takbir, les tahlil et les tasbih. Alors il leur a dit, pourquoi vous comptez pas vos péchés? Et je vous garantis que rien de vos bonnes œuvres ne sont gaspillées. Il a dit, malheur à vous, ô Ummah de Muhammad, comme vous êtes rapide à vous précipiter vers votre perte. Voilà les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont encore là et qui sont disponibles, qui sont partout pour vous. Vous pouvez aller leur demander des questions. Et voilà que les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont encore bons. Ils ne sont pas encore décomposés. Ils sont encore en bon état. Et même son verre qu'il utilisait pour boire, il n'est pas encore cassé. Hein? Et je jure par celui qui tient mon âme en sa main, qu'il y a deux possibilités. Soit que vous êtes sur une religion ou une voie qui est une meilleure guidance que la guidance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien l'autre possibilité, c'est que vous êtes en train d'ouvrir une porte vers l'égarement. Un des deux. Parce que vous faites quelque chose, personne ne l'a fait avant vous. Soit que, qu'est-ce que vous faites, c'est que vous êtes en train d'ouvrir une porte vers l'égarement, ou que vous avez amené quelque chose de meilleur comme guidance que ce que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené. Et est-ce que c'est possible que quelqu'un amène quelque chose qui est meilleur, qui est une plus grande guidance que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non, c'est pas possible. Alors il a dit, قالوا يا قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال كم من مريد للخير لن يصيبه. Le cheikh ensuite, donc la suite du hadith, Abdullah ibn Mas'ud, ils lui ont répondu, après qu'il ait dit ça, ils lui ont répondu, oh Abba Abdurrahman, on a voulu uniquement faire le bien. C'est-à-dire, les choses qu'on a fait là, de calculer des tasbih et tout avec les pierres, on a juste fait ça pour le bien, on a une bonne intention. Et Abdullah ibn Mas'ud, il leur a répondu, il leur a dit, combien de gens veulent le bien sans jamais être capable de l'obtenir, hein? Donc ce n'est pas une question de vouloir et d'intention seulement. Il faut aussi faire les causes et faire les choses correctement. Parce que sinon, même si tu fais beaucoup d'efforts et que tu as une bonne intention, si tu ne fais pas les choses selon la sunna, ça ne va pas avoir de valeur. Donc ensuite il a dit, inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam haddathana أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وإما الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم فقال عمرو ابن سلمة رضي الله عنه رأينا عامة أولئك الخلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. Il dit par la suite, Abdullah ibn Mas'ud a dit ensuite, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il y allait avoir des gens qui vont réciter le Coran sans que ça dépasse leur gorge. Ça ne va jamais dépasser leur gorge. C'est-à-dire ils le récitent sans compréhension. Hein? Et il dit, je jure par Allah que je ne sais pas si la plupart d'entre vous faites partie de ceux-là. Puis il s'en est allé. En voulant dire, je crains que la plupart d'entre vous, vous allez être parmi eux. Et Amr ibn Salama, un des rapporteurs de ce hadith, de cette parole, il dit, et j'ai vu la majorité d'entre ceux-là qui nous attaquaient et qui nous combattaient le jour de An-Nahrawan avec les Khawarij. C'est-à-dire, la majorité d'entre ceux-là qui faisaient ça avec les pierres, ils sont, à la fin, ils sont tombés dans la secte des Khawarij, Et ils ont fait le takfir des sahaba, et ils ont pris les armes contre les sahaba, ils ont combattu les sahaba à la fin. Donc ça veut dire qu'ils ont commencé par une petite bid'a, et ils sont tombés dans une grosse bid'a par la suite, qui est la bid'a des khawarij. Maintenant le Cheikh Al-Fawzan, donc ça c'est une leçon pour nous, pour ceux qui dénigrent les bid'a, et qui disent non mais ça c'est juste une petite bid'a, c'est pas grave. Ils pensent que parce qu'ils font une petite bid'a aujourd'hui, que c'est pas grave. Mais demain, qui te dit? Est-ce que demain, tu sais si cette petite bid'a va pas devenir une grosse? Hein? C'est ça le danger. Donc le cheikh, il a dit ensuite, Cheikh Al-Fawzan, « هذه قصة عظيمة وعجيبة حصلت من ابن مسعود رضي الله عنه تدل على فقهه وقوته في الحق. » Il dit, cette histoire, c'est une histoire, une très grande histoire, et elle est étonnante. Et c'est une histoire qui est arrivée de la part de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui indique sa compréhension et la force qu'il avait dans la vérité. Comment il était fort vis-à-vis de la vérité. وهذا فيه تقدير السلف لأهل العلم كانوا يحرصون على أخذ العلم عنهم والمشي معهم ومجالستهم خلافا للذين يقولون الآن العلماء متحجرون والعلماء نفي نفعيون والعلماء أصحاب وظائف ويحذرون من العلماء. Donc il dit qu'il y a ici en même temps aussi le respect que les salafs avaient envers les hommes de science, et ils avaient ils étaient très motivés de prendre la science des ulama et de marcher avec eux et de s'asseoir avec eux, contrairement à ceux aujourd'hui qui s'éloignent des ulama ou qui éloignent les autres des ulama en parlant d'eux, en disant des choses à leur sujet négatives. Que les ulama, c'est des gens qui cherchent uniquement le bien pour eux-mêmes, ce sont des gens qui cherchent uniquement à avoir des postes, et qui veulent avoir des positions dans le gouvernement ou des choses de ce genre, et ils mettent en garde contre les ulama de cette manière. Que ce sont des gens qui sont renfermés ou des choses comme ça. Ça, c'est des critiques que les gens font contre les ulama. Aujourd'hui, on l'entend. Et les gens, ils disent ça comme prétexte pour ne pas s'asseoir avec eux et pour s'écarter d'eux. Et à la fin, c'est qui le perdant? À la fin, le perdant, c'est ceux qui écoutent ces paroles-là et qui croient en ces idées-là et qui s'éloignent des ulama et restent dans le jahl, ils restent dans l'ignorance. Alors qu'on voit qu'à l'époque même des sahaba, Abu Musa al-Ash'ari, il a un poste dans le gouvernement, il est amir. Et il va voir Abdullah ibn Mas'ud, qui est un des savants, un autre sahabi qui fait partie des ulama, et il lui montre le respect. Et il s'assoit et il attend qu'il sorte pour prendre de la science de lui. Et aujourd'hui, il y a des jeunes qui utilisent ce genre de shubuhat. Ils parlent des paroles des fois qui ont été mentionnées de la part de certains des salafs, que celui qui rentre chez les dirigeants, il va avoir la fitna. Et donc ils s'imaginent que ça s'applique de façon absolue, que de rentrer chez les dirigeants c'est absolument interdit ou que c'est pas permis du tout. Et ils ne réalisent pas qu'il y a des conditions, qu'il y a des règles, il y a des exceptions à cette parole. Et qu'au contraire, même c'est bien lorsque les ulama qui aiment la sunna, qui rentrent chez les dirigeants pour établir le bien, établir le haq. C'est comme par exemple, des fois on voit des exemples de la part des salafs. Parfois, ils refusaient d'avoir un poste comme juge ou d'avoir un poste de responsabilité de ce genre parce qu'ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils avaient peur de la responsabilité. Mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait des gens qui, même à l'époque, des gens, malgré que certains s'enfuyaient de cette responsabilité-là, mais il y avait toujours quand même quelqu'un pour prendre la place. Et il y avait beaucoup d'ulama à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, si on laisse cette place-là aux ignorants et aux égarés qui n'ont pas de connaissances, qui vont faire des fatwas à tort et à travers, qu'est-ce qui va arriver? La Ummah va être déviée, va être égarée par la suite. Donc les ulama, ils regardent des fois les bienfaits et les méfaits, les avantages et les désavantages d'une situation, et ils jugent par rapport à ça. Et ils voient, est-ce que c'est mieux de laisser cette position-là ou de la prendre? Et ils prennent la position qui amène le plus grand bien. Donc, alhamdoulillah. Après, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit donc qu'il y a des jeunes comme ça, des gens aujourd'hui qui mettent en garde contre les ulama, et ça c'est très dangereux, et c'est contraire à l'exemple qu'on voit dans ce hadith de la part des salaf. Il dit, وَقَالَ قَالَ فَإِذَا خَرَجَ مَشَيْنَ مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابن مسعود كان مفتيا في الكوفة ومعلما وأبو موسى كان أميرا على الكوفة فهما صحابيان جليلان أحدهما كان أميرا والآخر كان مفتيا ومعلما. Donc il dit exactement qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, que lorsqu'il est sorti, on a marché avec lui jusqu'à la mosquée, ou bien plutôt qu'ils étaient assis, ils attendaient que Abu Moussa, que Abdullah ibn Mas'ud sorte pour aller marcher avec lui jusqu'à la mosquée, et Abu Moussa al-Ash'ari est arrivé à ce moment-là. Il dit Cheikh Al-Fawzan que Ibn Mas'ud, il était le mufti à l'époque, dans cette ville, c'était la ville de Koufa. Il était professeur et il était mufti. Et Abu Moussa, lui, il était l'amir de la ville. Donc ce sont deux grands, parmi les grands sahaba, un d'entre eux était l'amir et l'autre était un mufti et un professeur. فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا فقال ما هو فقال إن عشت فستراه قال فرأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة فقال ماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك وانتظار رأيك. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il fait? Il cite l'autre partie de la suite de l'histoire, lorsque Abdullah ibn Mas'ud est sorti et que Abu Moussa lui a expliqué qu'est-ce qu'il a vu dans la mosquée. Après, le cheikh Al-Fawzan, il explique cette partie. Il dit « Aslu al-tasbih, al-tahlil, al-takbir, mashrou' »« Walakin ja'aluhu ala hadhihi al-sifa, yatahallakuna hilaqan » معهم رجل ومعهم رجل ومعهم حصى يقول لهم كبروا مئة فيكبرون ويعددون مئة بالحصى ثم يقول هللوا مئة فيهللون بالحصى إلى آخره. هذه الصورة فيها بدعة. أما التسبيح والتهليل والتكبير فهذا مشروع. أما الصورة فهي بدعة ما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها. هذه تؤول إلى شر كما يأتي في آخر القصة. Donc le cheikh il explique que la base de faire le tasbih, de faire le tahlil, de faire le takbir, tu dis subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ça à la base ça, c'est légiféré dans l'islam, ça fait partie de la charia, ça fait partie de la religion. C'est de faire le dhikr, hein? Et c'est quelque chose de bien. Il n'y a personne qui va disputer là-dessus. Sauf que le faire de cette façon en particulier, c'est là que rentre la bid'ah. C'est là que rentre l'innovation. Pourquoi? Le cheikh il dit parce qu'ils se mettent en cercle. En plus, il y a un homme avec eux. Et cet homme, il a avec lui des pierres. Et il leur dit, dites Allahu Akbar 100 fois. Et ils disent Allahu Akbar en comptant avec les pierres. Puis ils disent La ilaha illallah 100 fois. Et ils répètent avec les pierres encore une fois. De faire ça de cette manière-là en particulier, là ça devient une bid'ah. Mais à la base, de faire le tasbih, de faire le tahlil, de faire le takbir, ça c'est en accord avec la charia. Et personne ne va disputer là-dessus. Donc, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle, comment on l'appelle cette bid'ah en particulier? Hein, les ulama, ils ont divisé la bid'a en deux catégories. Al-bid'atu al-haqiqiyya, ça c'est la bid'a au sujet de laquelle, wa alaykum salam wa rahmatullah, ça c'est la bid'a au sujet de laquelle il n'y a aucune preuve dans le Coran ni dans la Sunna. Et il y a une autre catégorie de bid'a, vous vous en souvenez? Al-idafiyya, Ça c'est dans l'ouraouia, ça c'est bid'a l'ouraouia, ça veut dire quand c'est pas une bid'a sur le plan de la religion, mais sur le plan de la signification linguistique du mot bid'a. Mais là, on parle de différentes catégories de bid'a dans la religion. Donc, les ulama, ils ont divisé en deux grandes catégories. Al-bid'atul haqiqiyya, celle qui n'a aucune référence dans la sharia. Et la deuxième, c'est al-bid'atul idafiyya. C'est-à-dire, c'est une action qui, à la base, elle existe dans la sharia, sauf que on y a rajouté certaines caractéristiques qui font qu'elle devienne une innovation et qu'elle devienne bid'a. Comme par exemple, c'est ce que les gens faisaient dans cet exemple, dans le hadith. Ils s'assoient en cercle, et ils comptent des pierres, et ils disent le takbir et le tahlil et le tasbih avec les pierres. Le prophète Sansam n'a jamais fait les choses de cette manière-là. Mais il a fait le tasbih, il a fait le tahlil, il a fait le takbir, mais pas de cette façon-là. Donc ça, c'est une innovation. Si quelqu'un, par exemple, dit, tous les jours, vous devez dire 500 fois, après salat al-asr, la hawla wa la quwata illa billah, 500 fois. Après chaque prière d'asr, on va lui dire la hawla wa la quwata illa billah. Ça, c'est mashrou', ça fait partie de la sharia, c'est quelque chose de bien. Mais où est la preuve qu'il faut le dire à chaque fois après la prière d'asr, tous les jours? Et qui a dit que ça doit être 500? C'est basé sur quoi? Il n'y a pas de preuve pour ça. Donc celui qui dit ça, ou celui qui fait ça de façon répétitive et qui pense que ça c'est la sunna, il a inventé dans la religion d'Allah ce qui n'en fait pas partie. Et c'est pour ça qu'on dit que dans ce cas-là, ça devient une bid'a. Même si à la base de ce qu'il fait, c'est le zikr. Même si à la base de ce qu'il fait, c'est quelque chose de bien. Mais de le faire de cette manière, ça devient une innovation. Ensuite, le cheikh il dit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné de faire ce dhikr de cette manière là comme eux la faisaient, et il ne l'a pas ordonné et il ne l'a pas fait non plus. Et comme on va le voir à la fin de cette histoire, ça ramène à autre chose qui est plus grave encore et plus mauvaise encore. Cheikh il dit ensuite la suite de l'histoire. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء. Le cheikh il dit ensuite Abdullah ibn Mas'ud a dit, et pourquoi tu leur as pas ordonné de compter leurs péchés et de leur garantir en même temps que rien de leurs bonnes œuvres n'allait être perdu. Il dit يقول عليك أن تعد سيئاتك وتتوب منها أما الحسنات فاعملها ولا تعدها تقول أنا سبحت 100 وألفا أو 20,000 وما أشبه ذلك هذا من الرياء وهذا بدعة. Donc le cheikh il dit ça, ça veut dire comme si Abdullah ibn Mas'ud il dit en fait compte tes péchés au lieu de compter tes bonnes œuvres, compte tes péchés, calcule tes péchés, hein, et fais la tawba, repens-toi de tes péchés que tu as faits. Mais en ce qui concerne les bonnes œuvres, fais-le sans calculer, hein, fais des bonnes œuvres et ne les calcule pas. Tu vas pas dire j'ai fait 100 fois le tasbih ou j'ai fait 1000 fois le tasbih. Ou bien j'ai fait 20,000 fois le tasbih. Il dit ça c'est du riya. C'est comme si tu es en train de calculer avec Allah subhanahu wa ta'ala combien de bonnes actions tu vas faire pour lui. Hein? C'est comme si en même temps tu es en train de montrer que tu es avare dans les bonnes œuvres. Hein? Tu calcules avec Allah les bonnes œuvres alors que lui va te récompenser sans calculer. Hein? Donc ça c'est pas correct. Et en même temps, c'est une forme de riya, d'ostentation. Hein? C'est comme celui qui dit, ah, je suis resté après la prière, j'ai fait mon tasbih, j'ai fait 100 fois tasbih, j'ai fait 100 fois tahlil. Mais subhanallah. En plus, tu le calcules avec les pierres, avec tout le monde. Ça, c'est une forme de riya. Hein? Et ça, c'est une innovation. Ensuite, le Cheikh il dit la suite de l'histoire. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع حلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. Donc il mentionne la suite. Quand Abdullah ibn Mas'ud a commencé à parler avec ceux qui faisaient ces choses-là pour leur demander pourquoi ils faisaient ça, et ils ont répondu qu'ils faisaient ça pour calculer le takbir, le tahlil et le tasbih, et qu'ils n'avaient pas fait ça pour une mauvaise intention. Hein? Et Abdullah ibn Mas'ud leur a dit, comptez vos péchés à la place. Et je vous garantis qu'Allah ne va rien faire perdre de vos bonnes œuvres. Et il leur a fait une exhortation par rapport au fait que les sahabas sont encore présents, et que les vêtements et le verre du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont encore là, ne sont pas brisés encore. Et il a juré que ces gens-là sont en train de faire une chose, soit qu'elle est plus meilleure, une meilleure guidance que celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qu'ils ouvrent une porte vers l'égarement. Hein? Et il leur a dit, comme vous êtes rapide à vous précipiter vers votre perte, hein, la perdition et tout. Donc ça, c'est des exemples de ce qu'il a dit. Et après, le cheikh, il répond. Il dit, مُجَرَّدُ النِّيَّةِ وَإِرَادَةُ الْخَيْرِ لَا تُصَوِّرَ الْبِدْعَةِ فَالْبِدْعَةُ بِدْعَةِ وَهِيَ شَرٌ وَإِنْ كَانَتْ نِيَّةُ صَاحِبِهَا حَسَنَةِ وَقَصْدُهُ حَسَنًا. Le cheikh, il dit, d'uniquement prétendre ou se baser sur le fait d'avoir une bonne intention ou de vouloir le bien, ce n'est pas suffisant. Et ça ne justifie pas la bid'a. Il dit parce que une bid'a, c'est une bid'a. Et elle est mauvaise. Même si l'intention de la personne qui l'a fait est bonne. Même s'il a une bonne intention ou un bon objectif. La bid'a, c'est une bid'a et donc c'est mauvais. Peu importe. وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ. Juste à ce sujet-là, par exemple, réfléchissez à l'exemple des chrétiens, à l'exemple des juifs, à l'exemple des bouddhistes, à l'exemple de tous les koufars sur la terre qui, parfois, font du bien. N'est-ce pas qu'ils ont une intention, des fois, de faire quelque chose de bien? Et est-ce que ça veut dire que parce qu'ils ont l'intention, ça veut dire automatiquement ce qu'ils font est bon? Hein? On a l'exemple, par exemple, je vous donne l'exemple, par exemple, des gens maintenant qui veulent défendre les droits des animaux. Hein, et qui combattent contre la cruauté faite envers les animaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre des gens nus dans la rue pour manifester contre les gens qui achètent des manteaux de fourrure, par exemple. Eux, ils s'imaginent faire du bien. Est-ce que ça veut dire que parce que leur intention, elle est bonne, ça veut dire que ce qu'ils font, c'est bon? Non. Tu peux avoir une bonne intention, ça ne veut pas dire que ton action, elle est bonne. Hein? Donc ça, c'est un exemple parmi des exemples. Et le cheikh, il continue à l'explication de Abdullah ibn Mas'ud, quand il dit, et combien de gens veulent le bien, ils n'arrivent jamais à l'atteindre. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a mis en garde, il nous avait dit qu'il y allait avoir des gens qui vont venir, ils vont réciter le Coran sans que ça va pas dépasser leur gorge. C'est-à-dire, ça n'arrive pas dans leur cœur. Et ils le récitent sans compréhension. Et il a dit, ensuite, أتى بحديث الخوارج. Cheikh Al-Fawzan, il dit, أتى بحديث الخوارج الذين يغلون في الدين. الذين يغلون في الدين. ويعملون من غير دليل وفقه. وإنما يقرؤون القرآن من غير فهم له. ويجتهدون من عند أنفسهم بآرائهم من غير أن يتفقهوا في دين الله. هذه طريقة الخوارج. فتوقع رضي الله عنه أنهم سيكونون من الخوارج، لأن البدعة تجر إلى الشر، أما السنة فتجر إلى الخير. Donc le cheikh il dit que Abdullah ibn Mas'ud, il s'est basé sur un hadith qui est le hadith des Khawarij, le hadith dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avertit contre les Khawarij, ceux qui exagèrent dans la religion et qui appliquent la religion sans preuve et sans compréhension. Ils font juste réciter le Coran sans aucune compréhension du Coran, et ils font des efforts à partir d'eux-mêmes et de leurs opinions personnelles sans retourner à la compréhension de la religion et sans chercher la science et la compréhension de la religion. Et ça, c'est la voie des Khawarij. Depuis que vous voyez des gens qui adorent Allah et qui pratiquent la religion sans connaissance et qui se réjouissent de rester dans l'ignorance tout en appliquant la religion et en étant très motivés à la pratique religieuse, sachez que ce sont des gens qui appellent à l'égarement, même s'ils montrent une apparence religieuse. Et parce que vous allez voir que ces gens-là vont tomber dans l'extrémisme un jour ou l'autre. Hein? Et le cheikh, il dit donc, quand Abdullah ibn Mas'ud a vu que ces gens-là étaient comme ça, il a pensé que ces gens-là sont parmi les gens qui vont être avec les Khawarij. Parce que une innovation, elle amène vers le mal. L'innovation, elle amène vers le mal. Et la sunna, elle amène vers le bien. Ensuite, le cheikh, il dit, وَيْمَ اللَّهِ il continue la suite de l'histoire, وَيْمَ اللَّهِ مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرُهُمْ مِنْكُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَقَالَ عَمْرُ بْنُ سَلَمَةَ رضي الله عنه رأينا عامة أولئك الخلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. كما توقع ابن مسعود رضي الله عنه رآهم مع الخوارج يقتلون المسلمين في النهروان، والنهروان موقعة جرت بين علي رضي الله عنه والخوارج، فنصر الله أمير المؤمنين عليهم وقتل منهم مقتلة عظيمة، وكانت وقعة النهروان في العراق. وهؤلاء الذين أخذوا بهذه البدعة جرتهم إلى الخوارج وصاروا معهم وقتلوا معهم والعياذ بالله. فهذا فيه التحذير من البدع وأنها تجر إلى الشر، ولو كانت نية أصحابها حسنة أو مقاصدهم طيبة، لأنه ليس المدار على النية والقصد، وإنما المدار على الدليل من كتاب الله أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالدين كامل ولله الحمد، اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولم يقر أحدا عليه فإنه ليس من الدين وإنما هو من البدع. وختم رحمه الله الكتاب بهذا الدعاء، الله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ختم رحمه الله الكتاب بهذا الدعاء، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله على نبينا محمد نعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دونك il termine l'histoire en disant que il dit je jure par Allah, ou bien il dit par Allah je ne sais pas si la plupart d'entre vous vont être parmi eux, c'est-à-dire parmi les Khawarij. Puis il s'en est allé. Puis Amr ibn Salama, il dit j'ai vu la majorité d'entre eux qui nous attaquaient le jour de Nahrawan, quand il y a eu la bataille avec les Khawarij. Donc le cheikh Al-Fawzan, il dit qu'Abdullah ibn Mas'ud, il a présumé que ces gens-là avaient l'opinion, qu'il allait les voir avec les Khawarij. Il y a eu comme le pressentiment que ces gens-là allaient être avec les Khawarij. Hein? Ceux qui ont combattu les musulmans lors de Al-Nahrawan. les Khawarij qu'on appelle Al-Haruriya à l'époque, parce qu'ils se sont réunis dans un endroit qu'on appelait Harura, et donc on les appelait Al-Haruriya. Ok. Amr ibn Salama, c'est un des rapporteurs du hadith. Attends, si je ne me trompe pas. Oui, c'est un dans les rapporteurs. Ou bien c'est peut-être aussi c'est quelqu'un qui était présent lors de l'histoire. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ils ont combattu les musulmans à la bataille de Al-Nahrawan. Al-Nahrawan, c'est une grande bataille qui a eu lieu entre les musulmans et les Khawarij, et entre Ali en particulier, parce que Ali c'était lui qui était à la tête de l'armée des musulmans, et quand il a combattu les Khawarij. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire à Ali radiallahu anhu contre eux. Parce qu'ils avaient fait le takfir des Sahaba. Ils avaient déclaré les Sahaba mécréants. Hein, imaginez. Donc, les Sahaba les ont combattus. Cette bataille a eu lieu à Nahrawan, qui est en Irak. C'est une région en Irak. Et ceux-là donc, ce groupe-là qui était présent dans la mosquée, qui comptait les tasbih, ils ont pris cette bid'a, et ça les a amenés à la position des Khawarij par la suite, et ils sont tombés donc avec les Khawarij, et ils ont combattu avec eux. Hein? Donc il y a ici un avertissement contre les innovations, et ça nous montre que les innovations nous amènent vers le mal, même si l'intention de la personne qui l'a fait était bonne à l'origine, et que leur intention était bonne, et que leurs objectifs étaient bons. Mais il dit qu'est-ce qui compte, c'est pas l'intention seulement ou l'objectif, mais c'est uniquement de voir que l'action que tu fais, elle se tient, elle est établie sur une preuve du Coran ou bien de la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la religion, elle a été complétée. Et Allah, il dit dans le Coran, verset 3 dans Surat Al-Ma'ida, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. Donc la religion, elle est complète. فما لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولم يقر به احد لم يقر احدا عليه فانه ليس من الدين وانما هو من البدع. Donc le cheikh il dit qu'est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas ordonné de faire, et qu'est-ce qu'il n'a pas fait lui-même, et qu'est-ce qu'il n'a pas approuvé que quelqu'un le fasse devant lui, alors ça ne fait pas partie de la religion, et c'est uniquement des innovations. Et il a terminé le livre avec ce dua, Wallahu al-musta'an wa alayhi tuklan. Donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a terminé le livre avec ce dua, Wallahu al-musta'an, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est celui de qui on recherche l'aide. Quand on dit Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, al-isti'ana, c'est de chercher l'aide, et al-musta'an, c'est celui de qui on recherche l'aide. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-musta'an, c'est-à-dire celui de qui on demande l'aide. Wa alayhi at-tuklan. At-tuklan, ça vient de at-tawakkul, c'est-à-dire de mettre notre confiance et de reposer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est en lui qu'on met notre confiance, et paix et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons, et tous ses compagnons. Donc le cheikh, il a terminé le livre avec ça, et donc alhamdulillah, ça vient compléter la série des durus sur Fadlul Islam. Ça veut dire la bid'a qui est à la base, on la retrouve dans la sharia, l'action elle-même, elle a une référence dans la sharia, sauf que la façon dont la personne le fait, elle n'est pas en accord avec la charia. Ça peut être quelque chose qu'on rajoute dans la forme, la façon de le faire. Ça peut, donc, la bid'a idafiyya, ça peut être sur la façon, al-hay'a. Oui, mais attends, il y a la façon, ça peut être dans le temps aussi, que tu rajoutes à cette adoration ou à cette innovation un temps spécifique pour le faire. Par exemple, je te dis, tu dois faire 10 rak'at après Salat al-Asr, tous les jours. Donc, j'ai rajouté un temps à quelque chose spécifique, sans preuve. Si tu vas dire après Salat al-Asr ou après Salat al-Maghrib, tu dois dire 50 fois La hawla wa la quwata illa billah. Pourquoi j'ai spécifié un temps sans avoir une preuve? Si je te dis tu dois jeûner 30 jours pendant le mois de Ramadan, ça c'est pas une bid'a. Le temps, il est spécifique et il y a une référence dans la charia à ce sujet-là. Si je dis tu peux jeûner le lundi et le jeudi, ça c'est deux temps, il y a une preuve à ce sujet-là. J'ai une référence dans les hadiths authentiques. Mais si je te dis tu dois jeûner tous les mercredis de chaque semaine, est-ce que j'ai une preuve pour dire que le mercredi on doit jeûner? Non. Alors, quand c'est le temps, ça c'est un élément, c'est le temps, on spécifie un temps spécifique sans donner de preuve, ça devient une innovation. Même si à la base, le jeûne ou le dhikr, il est permis. Il y a aussi le lieu. Hein? Si je te dis, tu dois faire, par exemple, ton hajj à Mecca, et tu dois tourner autour de la Kaaba. Ça, c'est une adoration. Et il y a une preuve dans la charia pour faire le tawaf autour de la Kaaba. Mais si je te dis, tu dois aller faire le tawaf autour de la tombe de Sidi Foulan, un tel et un tel parmi les saints, qui est enterré à tel ou tel endroit. Ça, c'est une bid'a dans le lieu. Et en plus, c'est shirk. Hein? Parce que c'est une adoration que tu offres à autre que Allah. Donc ça, c'est un exemple aussi. Et puis donc, ça fait partie des exemples. Et le nombre aussi, quand tu spécifies un nombre, sans qu'il y ait nécessairement une référence dans la charia pour justifier que ce nombre-là, il fait partie de quelque chose qui a été désigné par la charia. Donc ça, c'est des exemples de bid'a qu'on appelle idafiyya. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.